Les programmes de radio 107.7 s'articulent autour de la sécurité, de l'actualité de l'autoroute, des transports et du tourisme. Quel que soit l'endroit où l'auditeur circule, il reçoit une information de proximité qui peut le concerner immédiatement. La rédaction peut, à tout moment, bouleverser ses programmes et proposer des éditions spéciales pour des événements exceptionnels de type intempéries, accidents de poids lourds, carambolages. Les usagers peuvent alors décider de modifier leur itinéraire ou de renoncer à prendre l'autoroute en fonction du lieu où ils se trouvent. Réponse A et C.